Je voudrais cette veste. Quelle veste ? Cette veste. Quelle couleur ? Cette couleur. Je voudrais aussi un pantalon. Quel pantalon ? Ce pantalon. Et cette cravate. Quelle cravate ? Et une chemise. Quelle chemise ? Cette chemise. Et un t-shirt noir. Ce t-shirt. Quelle taille ? Je peux payer par carte ?